composer les os, puis à nous poser le cul dans l'eau. Poser les petits souliers, madame. Oh là. Poser le cul sur ma tub. C'est quoi cette chanson? T'en as pas voulu. Encore une fois. Si tu ne payes pas. Poser le cul, madame. Non, elle ne veut pas. Non, si tu ne payes pas. Non, si tu ne payes pas. Tu n'auras jamais le coup facile. Très cher, je crois. Tu pourrais leur donner n'importe quoi. Tu n'y arriveras pas. Mais tu n'y arrives pas. Payer ton nom, et rien ne va.